Caprice de lecture sur Fadjet. Bonjour Monsieur Dicker, je suis ravie de faire votre connaissance. Ben moi aussi. J'avais une première question pour vous. Donc votre dernier roman, L'affaire Alaska Sanders, nous replonge un petit peu dans la mémoire de la vérité sur l'affaire Harry Kébert et dans le livre des Baltimore. On est tout de suite happé par l'ambiance, mais est-ce que vous souhaitiez nous présenter les personnages sous un nouveau jour à travers l'affaire Alaska Sanders? Sous un nouveau jour, forcément, puisque je les raconte un peu plus. C'est-à-dire qu'on retrouve des personnages qu'on a rencontrés et connus en partie pendant la vérité sur l'affaire Harry Kébert, et pour certains aussi le livre des Baltimore, qui est le tome 3. Mm-hmm. Donc c'est une trilogie, mais dont les tomes sont sortis dans le désordre. Et le fait que les tomes soient parus dans le désordre, ça, d'abord, ça raconte une trilogie dont chaque livre est indépendant. Mm-hmm. Et puis surtout, dont chaque livre amène un éclairage supplémentaire. D'accord. Donc sous un jour nouveau, oui, évidemment, parce que vous avez un nouvel éclairage sur qui sont ces personnages. Et l'idée, c'était de raconter des pans de vie. Et que, comme n'importe qui qu'on rencontre, plus on le connaît, c'est-à-dire plus il nous parle de lui, de sa vie, de son passé, plus on comprend qui il est, surtout pourquoi il est comme il est aujourd'hui. Est-ce que le fait que le livre La vérité sur l'affaire Harry Kébert a été adapté au cinéma, est-ce que ça a changé votre façon d'écrire? Est-ce que ça a influencé votre style par la suite? Non, et c'était, par contre, c'était la règle que je m'étais fixée, parce que j'ai attendu longtemps avant de faire ce tome 2. D'abord parce que je voulais pas faire un tome 2 qui reprenne les codes un peu du polar, ce qu'on avait vu dans Harry Kébert immédiatement après le succès de Harry Kébert, parce que je voulais pas qu'on pense que c'était un projet lié à une facilité du succès. On se dit bon, ben, le 1 marche, on fait le tome 2, alors que c'était un projet qui existait déjà bien avant le succès. J'ai initié Harry Kébert en me disant ce sera une trilogie. Et puis quand le succès est arrivé, je me suis dit, bon, moi, je ne peux pas faire une trilogie comme ça maintenant, parce qu'on ne comprendra pas qu'il y avait vraiment une idée avant ça qui n'était pas liée au succès. Et par contre, comme le temps a passé et qu'il y a eu entre-temps une adaptation télé, une des règles que je m'étais fixée, c'était de me dire que si mon imaginaire est, entre guillemets, pollué ou parasité par la série télé, et qu'en me mettant au travail, je ne retrouve pas immédiatement les émotions, les personnages, les décors, enfin, l'imaginaire que j'avais en 2009, alors je ne le ferai pas. Et j'ai été, pas surpris, mais heureux quand même. Hein. J'avais pas beaucoup de doutes sur ça, sur le fait que l'imaginaire qu'on a construit soi-même est beaucoup plus fort que l'imaginaire qui sort d'une série télé. Quand je me suis mis au travail, j'ai tout de suite été repris par les images, les visages, tout le décor que j'avais imaginé en 2009 et pas du tout ce que j'ai vu dans la série télé. Ok. Alors, justement, moi j'avais une question à vous poser. Donc là, j'ai votre dernier roman sous les yeux avec une couverture d'un tableau d'Edward Hopper qui, lui, est plutôt réputé pour, on va dire, peindre, ou il était réputé pour peindre un petit peu des scènes de la vie quotidienne aux États-Unis. Et très souvent, dans ces tableaux, on retrouve des femmes. Et vous, les personnages centraux, souvent, de vos romans, où l'histoire, où l'intrigue commence par une femme. Est-ce que les femmes ont un rôle important pour vous dans votre vie, dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, et qui peuvent aussi vous inspirer après, du coup, un peu comme Edward Hopper lorsqu'il peignait ce genre de tableau? Je ne peux pas faire, moi, le lien avec ce que Hopper a voulu faire, parce que je ne suis évidemment pas lui. Et ce que j'aime dans son travail, c'est non seulement ce qu'il peint, mais surtout ce qu'il évoque à ceux qui regardent son travail. Et on est souvent saisi, quand on regarde son œuvre, par tout ce qu'on ne voit pas. Et le pauvre, j'ai envie de dire, parce que c'est un technicien extraordinaire, c'est un virtuose incroyable, qui a des capacités de rendu de couleur et de teinte et de moments de la journée, c'est vraiment fou. Et pourtant, je trouve que quand on regarde ce qu'il fait, on ne se dit pas « Ah, waouh, c'est extraordinaire, quel talent, quelle palette de couleurs, etc. » On se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est encore plus fort, si vous voulez, parce qu'on est immédiatement projeté à l'intérieur de ce tableau. Et on est comme spectateur directement impliqué. On n'est pas en train de contempler son œuvre. On est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est très fort, je trouve. Et c'est une des raisons qui font que j'aime cette... C'est un artiste que j'aime et que j'aime avoir ces tableaux sur la couverture de certains de mes livres, parce que ça crée cette ambiance immédiate de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Après, pourquoi des femmes? Probablement parce que je rends hommage aux femmes qui sont quand même des personnages dans la vie réelle, souvent plus fortes que les hommes, avec des vies plus difficiles, ne serait-ce que le traitement, quand même un peu fou en 2022, quand on imagine que les femmes sont moins bien payées que les hommes, qu'on est encore dans un monde où on est allé sur la Lune et sur Mars, mais que les inégalités de salaire sont encore là, présentes, un taux de féminicide insupportable, et que la place de la femme est encore chèrement payée. Et voilà, peut-être que c'est une façon de leur rendre hommage aussi. Ok, d'accord, merci. Pour moi, sur la question de l'adaptation au petit écran, est-ce que vous avez reçu des propositions, des suggestions pour faire une adaptation avec, par exemple, le réalisateur qui avait fait l'adaptation de La vérité sur l'affaire Harry Kéber? Pas Jean-Jacques Hanau, pour le moment, mais il y a pas mal de propositions. Après, la magie du cinéma et des films et des séries télé, c'est que les gens vous parlent de tous les projets qu'ils vont faire avec vous, mais on n'est jamais vraiment sûr que ces projets se feront. Évidemment, il y a des questions de budget, de possibilités, voilà, c'est pas simple. Et donc, est-ce que ça se fera? On verra bien. C'est pas exclu. Dernière petite question. Votre maison d'édition, nouvellement née, Rosie & Wolf, est-ce qu'on pourrait avoir connaissance de quelques projets de cette maison d'édition ou pas? Bien sûr. Alors, 2022, une année particulière, parce que c'est le lancement de la maison, avec la sortie par la maison de tout mon catalogue passé et une nouveauté. Et donc, puis c'est aussi une année particulière, parce que ça fait 4 ans que je n'ai pas eu la possibilité d'aller voir mes lecteurs en librairie, puisque 2020, précédent roman, était une année de coronavirus. Et donc, j'ai vraiment consacré 2022 à aller rencontrer mes lecteurs, d'abord en francophonie jusqu'au mois de juillet, et puis ensuite, à partir du mois de septembre, à l'étranger aussi. Et donc, Rosie et Wolf aura vraiment une activité avec d'autres auteurs que moi à partir de 2023, avec notamment un livre qui me tient très à cœur, qui s'intitule en anglais encore, puisqu'il est, il est traduit de l'anglais, c'est un essai qui s'appelle « Reader Come Home », que le lecteur revienne à la maison. Et c'est un essai sur l'importance de lire et tout un essai sur la fonction de lecture, ce que ça nous apporte et à quel point c'est quelque chose qui nous construit. Et donc c'est un essai qui me tient à cœur parce que c'est évidemment, avec cette maison, l'idée c'est aussi d'essayer de faire lire les gens et puis faire lire les gens qui ne lisent pas encore, parce que je crois que tout le monde aime lire mais que tout le monde ne le sait pas encore. Et donc pouvoir aller parler... et offrir un livre à ceux qui ne sont pas des lecteurs encore, c'est important. Merci beaucoup. Caprice de lecture sur Fadjet, l'essentiel de l'actualité littéraire.